bobu daganul ndax ora khalis dañ hadisi dañ ko téré won nekul né dañ ko téré séparément buñu que c'est que buñu bolé buñu bokké dara néwu ci non buñu bokké ñoyem lol ben légui nak mu dess wa légui ndab lo xamné dañ koy téré ben way bu doora tok fi rek dégg Seigne Moustapha wax ko mo né a kon bax man am sama waji ndabu wor la yor attend rek bu may ñibi tay tay duma fanan ci lal fek ma toj fek tojuma ka ki bi ndax tamit yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon ku gis lulul nonu nga dindiko ak sa loxo dang ko changer ak sa loxo boko manul nga changer ko salan salam me boko manul nala metti mom mu ne kom ko man waji sama way li uppuma dole fen man nako changer sama loox buma deme tay mom duma teddi ci lal fek tojuma kasu oram mu dem fek door ci cour tas mu toj waji nak di ko reclamer est ce legui waji mom da wara fay wala waruna fay lol moy laaj ben ngo guitariste la musulman guitariste wala sa kudul musulman guitariste xeyna ba marlé ma neex may ki di ben way ñew rajaxé ko non ndax li dafa haram légui waji day fay wala du fay dañ nan la koku dara la dul fay waji tok affaire du fay kenn du ko tek daan bi moy fekk na kaasu or waji rajaxé ko door ko mu tass mom du fay mais xam nga lu tax légi nak du fay tekkuul né waji duñu ko def da moy né buñ néwon pen bi ku def lolu par exemple dañuy dag sa loxo mom bu ko defé kenn du dag loxo mais nak juge bi man na né comme ko yow affaire bi dafa haram dafa litax lu tax du fay moy né waji dako waru la mom xam nga adamul milki ya dafa am ci l'islam wa alaykum assalam moy l'islam dafa jappul yalla bu ne haram par exemple sangara dafa haram moy ne abdulit waru moy ne c'est impossible julit am sangara ñu nan bitéru rom bi wala whisky bi mom moko mom moy l'islam mom jappul ne lol man na nek kon ka jappul ne yow lolu moy julli bi manata ko am moy lu l'islam haramal rek day japp ne kon ku nuy julli waratu ko am legui nak comme ko waratu ko am xam nga lumay réclamer lu nek dafa fekk ma mom ko bo ñewé nak juge bi nanan la ah yalla de neena momoko comme ko momoko nak manuñ la rembourser dara mais nak yow ne waji yow nak le fait que sax nga violer domicile am duggu kërëm def li ga duñ le door per bu don pen bo xamne bu équivalent lolu bu don lu dagan la buñ la ko tek mais nak mom man na xol juge bi man na xol façon yarine go xamne mom la koy yaré ngir tamit bu ëllëgé ndax xam nga lolu ku ki le hadith bo wax ku gis lulul nonu nga changer ko ak sa loxo mais lolu moy ñam pouvoir lol moy ñam pouvoir hein waaw waaw non lol haramul non li ndab li lañ wax waaw waaw waaw da du pour dem gam du pour dem daïra du pour dem séti serigne bi na wala serigne be fay ñew ñukoy accueillir lool mom du pour loolu mom loolu mom leer na mom d'office Non, man na dem ba toujours man nga def or wa nek ko distance suite waaw kay lolo tax ndax bu ko toje or baangi fi parce que boudé waji lengo waaw do buñu yé tok ko activité yi dal ci kaw waaw ndax boudé yu mel nonou mais ndax lengo d'or nit man nako wa ta tamit li tax du fay moy né mom or bi disparaître du fay dara li jitu won moy ne waji sax dako waru wona am moy ndabu or que ça soit djulit ak yéféré ci yépp surtout li jumhur ne ah yéfer yi dañ len di atté ci furuon sharia lol moy lan moy ne kon moy ne usulu buñ né usulu sharia moy ay gëm yalla gëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëm malaaka yi gëm yawmal qiyam ak yoy yoyu mo borom xam xam yepp rahmatullah alayhi d'accord nañ ne lolo tax sax yéfer yi di dem safara te duñu fa genn abadan lol ñepp ci d'accord mais légui est ce bu julli joté julli wul koor jot worul mu mara dem aji makka am lepp santé be ak moy yi defuko est ce day am bakkar le fait que defuko lol moy furuoy légui nak lepp ci borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ne day am bakkar moy ne julli bu joté fi yéfer bi julli wul mom yowmal khiyam dinañ ko mbugal non seulement le fait que mu nek yéfer mais le fait que julli wul won tamit ta lol mo gina deugar lol dinañ ko gis ci usul bi moy halil kuffaru mukhatabuna bi umur bi fi bi furu' ash-shari'ati amla ndax yéfer yi dañ len di atté lo ci ciari shari'a wala lo moy julle ak ay or ak yoy bu ko deful moy julli jot julli wul ndax de toute façon ñom ñu né nak dañ koy mbugal yawmal khiyam plus le fait que gëmul won yalla dinañ ko mbugal jour bu nek lan mo tax julli wul won ramadan bu nek lutax julli wul koku moy or koor gi motax lutax worul won ajje bam ko mané lutax defu légui lool motax atté bi ni que ça soit yéfer bé mom plate or bé ci yem wala abdulli to ko mom waji bu ko debbé dara la dul fay len nak nak lutax moy or bi dako tass mais or baangi fi man nako utiliser wat nawul mais nak moy li ma len wax rek waji tamit le fait que mom boudé yu mel non juge man na xol en tout cas ben pen mom du côté lolou day dugg ci tanzir lay dugg ndax l'islam dafa bayyi dafa am yo xamné amul pen amul dara ko ko fi def nak juge bi moy xol juge musulman bi moy xol li yelo ak mom wala limu japp ne bu ko tege de dina corriger affaire bi mu tek ko comme ñu ñew ben dekk nga xamne façon monté ben façon ben ci façon monté yu bes yi amu fa modu andi ko fa mom legi xam nga lolu l'islam waxul fenn bu ku fi def yenn comme wa kay nagn do l'exemple comme soudan am amason na am soudan masna ko deg bi a 2 ans xawma ñu ne juge bi dañ ne dañuy duma ndaw si ndax ndaw si mo fa sol jean séré ba media yi di kaas mais lool lu meuna nek ci l'islam moy lan moy ne ndax fi kenn xamu fi yoy kenn masuko fe def mo fi indi lo xamne baxul te l'islam indi wul pen ci ku def lool juge bi lañuy bayyi mu xol naka la koy régler budé né japp na né bu ko wowe ci nek tata tet wax ak mom nako yi nak xam nga dëkk bi ki mu bayyi lool baxna bu xamé né ki lool doyul mom nañ ko wara tej 2 ans wala 3 mois mo xam mom moy xola té bu ko défé nonu la bu né né ki il faut ñu door ko ñetti yar ngir mu bayyi ko baxna tamit bu ko kenn jabolisé nan xolal ma rek amul ci alcorane mu koy def mais c'est islamique lolou moy tanzir la tuddou lolou nak moy nek ku yak yu mel non juge bi ci cadre bob man na xol ak yow mais pen mom dula ko tek tawaji dara la dul fay ndax or bi mu toj moy ne nak li nak moy li mo wax sank rek moy buñ la téré da l'islam bu né li haram na japp na né kenn waru ko mom ta lo momul xam nga man manuma ñew dem même fini dem palais de justice indi ben way né juge bi man kat ki mom dama da am num yaq wala dama yaqal dara mané ko lan la yaqal ma tudd lo xamné man mom mako té état bi momu té gisunu kuko mom ko ak lan lañ koy wax mais bayil ki mu dem yona xam nga imaginer mu ne man dama ko rombu fele ben terrain la ni mu ñew ma di gis ko muy dag ñax yi te yow dag ñax yi bu doon nitako mom manon na nek lu graw ci waji ndax bëggul non la ko bëgge ñu xolé fofu état bi momuko presque ken momuko mais da nan ko mais yow bayil ki ndax momoko li ngay réclamer dang ko momul l'islam tamit non la dañu japp ne yow mirmi dang ko momul propriété mo ci amul lu propriété amul nak yow kenn dula fay dal légui ñame mais la jaar kon dañ ni dang ko def haram dang nit mëna ko jaay lam waaw bor bi légui ñaan ni ko def liaison ni sanga ko def haram Or, l'islam, wal ansab wal azlam ak lan ak lan ritsun wala min amali shaytan fajtanibu koku mom dafa haramal sangara doku or nak yalla newul or wala hadith yi newuñ or dafa haram du mbir mi ci bopam wala du ne or ci bopam lañu haramal alors que sangara lol moy voilà moy lim wax ni ndax dafa am yo xamne dañ leena téré ndax seen jëm moy ndax le fait que ñom la mbam xoux le fait que muy mbam xoux lañ ko téré sangara le fait que muy sangara lañ ko téré alors que or du le fait que mu nek or lañ ko téré est-ce que gis nga différence bi moy mbam xoux mom duddou la nek mbam xoux rek c'est haram mom alors que or nekul ne or la ni rek dafa haram moy dañuy xol waji nan la ci jëfëndiko boudé waji da ko yor ngir diko jaay man na nek mais boudé da ko jël diko utiliser ku gor gi bu boba day haram ci mom moy lan moy mom dañoo bañ mu koy utiliser mais man nako jaay té tamit man nako défar ay lam ay ki diko jaay jigen ni lol dara newu ci wala diko jaay goor ñi nga xamne ñom dañ koy dënd ngir seeni soxna mais bu la léré na yow waji mom peut-être mom esprit goor jigen la yor tém boko jaayé lam yi mo koy tak fi di dem ci sen pride yoyu gay pride yoyu di taxawal koku ray xara moy né jaay or bi ki bag bi haramul en tant que mom mais ki ngoy jaay la lér na né man monsieur x mi mom buma koy jaay suba am nañu manifestation da koy sol di wanew bokul ak ko xamne da ko jënd ngir jox ko ay soxnam wala ay fréram ay sœuram xola yaron nabi sallallahu alayhi wasallam pour wax la différence yi am ci yoy te bo gisé même or bi xam nga dañ ko téré utiliser ci goor khalis bi lu matul 6 grammes ci bag wala mu yem fa moy sib nañu mais jigen ni ken téré wulen ko alors que mbam xoux amul daganal nañ ko parti population bi ni non lol amu ci ndax ci demam mom lañ haramal xol soit c'est la même chose ak soit dagan na ci jigen ci goor ñi lañ ko haramal yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sayna omar radhiyallahu anhu dafa gis ben way fatena turum bo xamne mom da doon wër ci bour yi tayo di jënd di ñukoy may ay adieu ay soaw ak yoy ak yu mel non damay dem dal xewma lu fay def mais dañ ko don jox ay cadeau yu bari bu ko jele nak soway ak yoy day ñew medina wala sakina do saatu saam diko jaay ben jour mu ñew diko jaay yo sayna omar radhiallahu gis ko ci côté jakke ji ci buntu jakke muy rombu non fekk mu genn and ak yunus sallam mu ne yunus sallam gis ne mu ne ko jëndal yere yi boko jëndé nga sol ko bu ko défé nga sol ko ngir délégation yi bu ñuy ñew nga len di téro ak yere yu rafet yi ak tamit di ci julli pour aljuma ak yoy yunus sallam ne ko waw dënd affaire bi mais non da ne ko li ni ñi nga xamné amuñ ben par amuñ ben cieur ci al-akhira ñokoy sol inna ma yalbasu hadha man la man laysa lahu khalaqun yawm al-qiyamah ñi sol li moy ñi nga xamné amuñ ben ci lool moy yéfer rek moy ñi gëmul yalla légui nga japp lool moy kon dënd ko mu bayyi ben jour ñu dem ba ay fam wala ay wèr wala ay semaine yaron nabi sallam recevoir même yéré yu mel non ay tissu yo xamné soal mu jël yenn yi daggal dox yenn yi sayna ali yenn yi mu ne mu jël ne jomal dox se demal dox oba ñu yobul sayna omar waji da ko andil lako yaron nabi sallam ko dox mais da ko gis rek def rapprochement ne mu daw si ti daw si ne yaron nabi sallam ah mais yow kéro nga ne ma li ku amul ben cieur al-akhira mo koy solo bare nga makoy may xam nga lolu moy ah ma du man mom dama bok ci ñi sanku ko lool lay tekki ni legi mu ne ko dedet omar man joxuma la ko ngir nga sol ko dama la ko jox ngir nga jëfëndiko kon lan lañ téré ci goor sol soa lañ téré mais jël ko diko jaay ken téré wu mu ne ko dama la ko jox ngir nga jëfëndiko sayna omar radhiyallahu yon mi ko ben ki frère am bu nekkon mak ab yéfer bo xamné tuubagul mu yoniko yere yi dox ko legui nak ding mané mais taxawal pourquoi kon yere yi ñu haramal ko paré mom mu koy mayé ko xamné man nako so dañ na la nono de ko yoné ngir lan ngir rafétal digënté entre djullit ni bu ko défé le fait que bu gisé ndax frère am bop yéfer lo cadeau yi ng koy jox man nako xémem lo xamné ñi seen diiné ñun wa makka liñ gis né ñom baxuñu soxor lañ def ki kon du deug te tekki tam joxuko ko ngir mu sol ko ndax même sayna ali radhiyallahu anhu yaron nabi sallam dañe dama la ko jox ngir nga jox ko say soxna sawa keur mais pas pour mu sol ko nga gis ne kon lolu moy lan moy ne soa dañu ko téré ci gor lan pour mu sol mais téré wuñ ko ngir mu jënd ko jox ko ay seureum soxnam yu mel non lolu kon téré wuko liñuy téré moy mu jël ko sol ko lol nak mo am ci or bi ni moy ne bol boko xasse defar mom bol moy soit julite ci lek wala yefe rek te comme que dañu téré bol bi mom mu nek or motax waji bu ne ko tas dara du ko fay ndax or baangi fi te tekki lolou kenn waru ko mom alors que bu re comme liñ seigne talid wax ay lengo la defa wala bol bi man na jël bol bi sax soppi ko té le fait que mu tej ko moy matière bi demul boudé ay lengo la yor lolou manuñu ko tej lolou boko défé dañ nan la yow da nga togn li nga def togn lu moy alalu jambour nga fek nga yakku boudé or bi kenn manuko récupérer yow da ngay outif lu mel ni nga fay ko mais boudé yéñu mu ngi mel ni rek gor gu amone yéré soa jallabe bu rafet am ki tek bo ñëwé lañ sét ko mais do fay c'est la même chose yere soa bu gor so ñu lañ set nga ñew dag affaire yi tek feulé moy do fay légui nak lan la le juge bi wax après en tout cas ken duna tek peine ku yak alalu jambour ndax mbir mi du alalu jambour waji da ko war wona mom différence bi am nak entre li ñu doon wax moy yé dañ leena téré ngir seen jëm yi dañ leena téré pas pour ñom mais ci ay condition lañ leen téré moy goor def sol ko ci lool lañ ko téré mais jigen man nako sol mais goor gi tamit man nako yor diko jaay alors que mbam xux mom nga lek ko nga saraxé ko nga do ci nga mayé ko yépp ci yam dafa haram mok sangara bi ñoyam ndax yoyu yoyu am solo lam ndax lool ci parti an nahyi lañ ko gisoon ci 5e hadith babul miyah yoyu yépp gisoon nañ ko yi nga xamné dañ leena téré ndax seen jëm ak yi nga xamné dañ leena téré ndax condition yi tax ak yi nga xamné dafa lekkolo ak mom motax lool motax ñi ñu waxoon ya 2 semaines comme jaay heure bo xamné heureu noddu deuxième noddu ki non tuddu aljuma kuy jaay heure bok est ce que légui mom bu jaayé ba paré marché bi bénéfice mi mu am dagan nako mdeet lolou nga gis né du jaay ci bopam lañ téré du commerce la l'islam téré mais dañu ko téré ndax heure bobu nonu mu ko défé de ce fait comme que mom du jaay ci bopam lañ téré mais liñu téré moy heure bi mu ko def lañ néwon bu fi kenn jaay bu boba nak moy né kon lim ci am bénéfice bim ci am du nek lo xamné dañ nan dafa haram alors que moy kay ñu lay wax ni bu dé xambal yi mom de toute façon haram na bu yagg mo ndax téré nañ ko téré nañu amul dafa pour demum la pour li dafa am condition yoy amul haram na haram na ndax yoy moy différence yi motax lék lék. C'est vrai que yu am solo la moy nga xamé est ce que mbir mi ñu ma téré dañ ma téré montre ndax lim doon montre wala dañ ma ko téré ngir ma bañ ko génné démé mom benn côté benn koñ yoy xam nga lool bokul téré nañ ma tak montre ak dama la ko téré nga sol ko dugg ak mom stade bokul moy né kon man na ko sol di dox di dem par di génn ci mbéd mi mais bu né stade la jëm boba lañ ma ko téré kon nga gis ne moy façon yu mel nonou la moy dafa am téré yo xamné mbir mi ci bopuma tax am yo xamné leneena tax baxna am légui kon bu muccu bi kon nak waji ci gatal alaykum salaam dara la dul fay ko moy kon suñu masala bi ku fekk ndabu jambour lool nak goor ak jigéena ci yam comme que ndab li mom ndabu or dañ koy téré ndabu khalis kon ku ko yak ken duko fay lo légui nak c'est au à monsieur le juge mom do xol legui ban correction la yakarne bo xamne bu dapene waji dafa violer intimité waji ak yoy mom moy xol lool moy xol mais nak ken duko teggu pen ndax khalisu jamour wala ndabu oru jamour nga yak lool mom amul ndax waji dako warul wona mom legui nak bi mujju moy ndax legui nit ki yo xamne xam nga gis nañu ne nit ki legui moy ko goor ci amna droit tak bag bo xamne matul 6 grammes wala ci layem li geun nak moy mu bañ kew mat ndax yaron nabi sallam bu mu mat ñeugum misqal ta bu mu mat ñeugum non bu mu mat misqal ta bu ko moy 6 grammes legui bu re nit ki dako moy tak na bag bo xamne mom kon c'est peur en khalis legui mu ñew ci robinet bi ubbi dekk di nan est ce que lool daga nan bi dañ nan la budé mat na budé mom respecté na liñ ko permettre bu boba man na nek ndax l'islam ko permettre mu tak lool kon nak bu ci kaw lool mom dara newu ci mais budé da ko upp non seulement le fait ko tak bim ko takkon dafa haram mais tamit di ci nan day haram en plus baxna wala nonu no modon masala yi nga xamne mo concerne won fi ci kaw lolu moy kon jeexal nañu masala fiqh yi nga xamne mo concerne won ensemble hadith babul aniya walhamdulillah legi nak mu dess usul be ci dess moy pour inshallah jota yele di ñew te usul bi moy lan moy xam nga fiqh biñ doon wax ni moy du ay wax rek yo xamne imam malik rahimahullah day tok rek ne der no warna dagan ala decide nané dagan na dedet legi abu hanifa tok fele rahimahullah felu ko man japp na né dara newu ci ati bind len dara newu ci lol de moy ne ay texte ak ay règle yu leer lañu tek seeni wax texte yi mom bu leré leer gu leer lool amul wouté mu nga melni ku genn ku ki ku sacc ñaata ku sacc ndax dañuy dag loxo mum diet en tout cas lu mat rubon yi na ndax dañuy sacc dañuy dag loxo mum diet lool kenn mu ci wutew ku ndialo bam leer mu avouer ñew taxaw devant le juge est ce que dañ koy door yar yiñ wax lool kenn wutew ci tax dafa leer lool mom do deg ñaan hanafi bi neena sala mais maliki bi nak neena nak 100 de fop nañu ko def 10 dede amul de ndax lool dafa leer mais yi dafa am yo texte yo xamne daño muhtamal moy daño am ay yo xamne yi day yenul moy da ngay japp ne li la wara wax yi ne li la wara wax ñi ne li la ci wara djublu wala de ci yu mel non la woute yi di amé comme dañ nante ruslu yawmul jumaati wajibun ala kulli muhtalim yaron allah sallallahu alaihi wasallam sangu aljuma buru jour aljuma farata la wajibun xam nga moy farata la ngir kep ko xamne majeur na mu am yenen texte yo xamne day wane ne mbir mi demawul won legi kep ko xamne dafa japp ci ben texte bi da nan la mom aljuma mom kon que ça soit yow da ngay julli jëm julli ji wo comme yawmul juma la wax waxul salatul juma par force da nga ñepp wara sangu set kon ak fo ndax wajibun dama leer mais nak bo gisé namna hadith yu nan la par exemple man tawadda yawmal jumaati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal kep ko xamne dafa japp jouru aljuma fa biha wa ni'mat koko dañu mo def baxna moy japp dem julli ji mais nak ku sangu set nak koko mom sangu mo geul nga xamne kon lañ na né won kon farata la feulé li day wone né kon mbir momu du fara yu mel non moy tax wouté am mais nak dafa am ay règle yo xamne surtout yi nga xamne mbir yi presque texte amu ci xamne yi day indi ay règle ay am al-am al-khas ak yu mel non wala mata yu khassasu ay ki gagn lañuy délimiter né texte bi dafa général li mo koy numu tuddu spécial spécifier wala dire règle yoyu nak li tax mu baxa xam moy boko xasse xam comme masala biñ waxone sank halin nahyu yaqtalul fasad mom nga don lay sank moy ne boko xasse xam yow legi masala yu bari yu neew mom bo xam walu keur walu japp walu wor walu julli yoy yeb ak walu tamit ni ngay doxlante nit ni bo xasse ben règle la mu dugalal la yoy yeb nga xam ko sank yow nga xamne borom xam xam yi nga yero ci ben téré bu lay wone ñi li lañ wax mais comme que c'est usul ñom li lañ wax moy ne automatiquement da ngay xamne ki li la wax ndax lool moy c'est usul loy nak la usul masala usul yi ak règle yoy di jariñ yoy nak mo ci dess inshallah xamna kon ñiyam fofu wallahu ta'ala min question la lé comme pour comme question pour ga quand on va quand du fait que dara jottu ba def ko ko neex pour taara sujet est-ce que dit wa non lolou lolou dañ koy téré non ndax beñ bi xam nga beñ manoko moy li nga wax non xam nga beñ mano ñew tek ko ni non mu nekk ñaari beñ non peut-être dina am non nga dem ko non non non ñun waxuñu ngay ñew nit ki ñew dem lool non non lool dañ koy téré moy nga ñew naan damay dag sama fi défarat ko pikir sama fi wañi lex yi ndax nenañ ma da melni coup duo botox yoy dañ koy téré dé non yoy waxuñu yoy moy né xola ñaka aaju moy ko xamné bëñum peut-être bëñ bi dañ mom géné wu ko defu ko dara man ci lool la déggé lim doon wax mom mais nekul né damay ñew